Lettre sixième, Lady Howard à Monsieur Villard, Howard Grove. Monsieur, le ton solennel que vous employez en m'envoyant votre fille a diminué en quelque sorte le plaisir que me faisait cette marque de votre confiance. Je crains que vous ne souffriez trop de votre complaisance, et dans ce cas, je me reprocherai la vivacité avec laquelle je vous ai demandé cette faveur. Mais souvenez-vous, monsieur, qu'elle n'est qu'à une très petite distance de chez vous, et soyez assuré que je ne la retiendrai pas un instant au-delà du terme que vous fixerez à son absence. Vous voulez savoir ce que je pense d'elle? C'est un petit ange, et je ne m'étonne plus que vous vous attribuiez sur elle des droits exclusifs, mais vous devez sentir combien il vous sera difficile de conserver ses droits à la longue. Sa physionomie et toute sa figure s'accordent pleinement avec l'idée que je me formais d'une beauté parfaite, et la chose est si frappante qu'il n'y a pas moyen de la passer sous silence, quoique nous attachions, vous et moi, peu de prix à un aussi frêle avantage. Si j'avais ignoré de qui elle tient son éducation, j'aurais été en peine au premier coup d'œil de son esprit. On a remarqué depuis longtemps, et avec raison, que la sottise va presque toujours de pair avec la beauté. Elle a la même douceur dans ses manières, les mêmes grâces naturelles dans sa démarche, qui distinguaient si favorablement sa mère. Son caractère est l'ingénuité, la naïveté même, et quoique douée d'un jugement exquis et d'une grande pénétration d'esprit, elle y joint un certain air d'inexpérience et d'innocence qui la rend on ne peut pas plus intéressante. Vous auriez tort de regretter la retraite dans laquelle elle a vécu, un penchant naturel à obliger, et des façons infiniment prévenantes lui tiennent lieu de cette politesse qu'on acquiert dans le grand monde. Je remarquais à ma satisfaction que cet aimable enfant s'attache de plus en plus à ma petite fille. Celle-ci est aussi éloignée de tout ce qui s'appelle amour-propre ou fantaisie que votre jeune élève l'est de la ruse. Leurs liaisons leur seront réciproquement utiles. L'émulation qui en résultera leur fera beaucoup de bien, car l'envie n'y sera pas mêlée. Je veux qu'elles se tiennent lieu de sœurs l'une à l'autre. Soyez convaincus, mon cher monsieur, que nous aurons soin de votre fille comme de notre propre enfant. Nous réunissons nos vœux sincères pour votre santé et pour votre prospérité, et nous vous remercions de la faveur que vous nous avez accordée, etc. M. Howard.